Une lecture pour Audiocité par Martine de L'Ingénu, un conte de Voltaire. Chapitre 13. La belle Saint-Yves va à Versailles. Pendant que notre infortuné s'éclairait plus qu'il ne se consolait, pendant que son génie, étouffé depuis si longtemps, se déployait avec tant de rapidité et de force, pendant que la nature, qui se perfectionnait en lui, le vengeait des outrages de la fortune, que devinrent monsieur le prieur et sa bonne sœur, et la belle recluse Saint-Yves? Le premier mois, on fut inquiet, et au troisième, on fut plongé dans la douleur. Les fausses conjectures, les bruits mal fondés, alarmèrent. Au bout de 6 mois, on le crut mort. Enfin, monsieur et mademoiselle de Kercabon apprirent par une ancienne lettre qu'un garde du roi avait écrite en Bretagne qu'un jeune homme, semblable à l'ingénu, était arrivé un soir à Versailles, mais qu'il avait été enlevé pendant la nuit et que depuis ce temps, personne n'en avait entendu parler. Hélas, dit mademoiselle de Kercabon, notre neveu aura fait quelques sottises et se sera attiré de fâcheuses affaires. Il est jeune, il est bas breton, il ne peut savoir comment on doit se comporter à la cour. Mon cher frère, je n'ai jamais vu Versailles ni Paris. Voici une belle occasion, nous retrouverons peut-être notre pauvre neveu. C'est le fils de notre frère, notre devoir est de le secourir. Qui sait si nous ne pourrons point parvenir enfin à le faire sous-diacre, quand la fougue de la jeunesse sera amortie. Il avait beaucoup de dispositions pour les sciences. Vous souvenez-vous comme il raisonnait sur l'Ancien et sur le Nouveau Testament? Nous sommes responsables de son âme. C'est nous qui l'avons fait baptiser. Sa chère maîtresse Saint-Yves passe les journées à pleurer. En vérité, il faut aller à Paris. S'il est caché dans quelqu'une de ces vilaines maisons de joie, dont on m'a fait tant de récits, nous l'en tirerons. » Le prieur fut touché des discours de sa sœur. Il alla trouver l'évêque de Saint-Malo, qui avait baptisé le Huron, et lui demanda sa protection et ses conseils. Le prélat approuva le voyage. Il donna au prieur des lettres de recommandation pour le père de Lachaise, confesseur du roi, qui avait la première dignité du royaume, pour l'archevêque de Paris Arlet et pour l'évêque de Meaux Bossuet. Enfin, le frère et la sœur partirent. Mais quand ils furent arrivés à Paris, ils se trouvèrent égarés comme dans un vaste labyrinthe, sans fil et sans issue. Leur fortune était médiocre. Il leur fallait tous les jours des voitures pour aller à la découverte, et ils ne découvraient rien. Le prieur se présenta chez le révérend père de Lachaise. Il était avec mademoiselle Dutronc et ne pouvait donner audience à des prieurs. Il alla à la porte de l'archevêque. Le prélat était enfermé avec la belle madame de Lesdiguières pour les affaires de l'église. Il courut à la maison de campagne de l'évêque de Meaux. Celui-ci examinait, avec mademoiselle de Mauléon, l'amour mystique de madame Guyon. Cependant, il parvint à se faire entendre de ces deux prélats. Tous deux lui déclarèrent qu'il ne pouvait se mêler de son neveu, attendu qu'il n'était pas sous-diacre. Enfin, il vit le jésuite. Celui-ci le reçut à bras ouverts, lui protesta qu'il avait toujours eu pour lui une estime particulière, ne l'ayant jamais connu. Il jura que la société avait toujours été attachée au bas breton. « Mais, dit-il, votre neveu n'aurait-il pas le malheur d'être huguenot ?»« Non, assurément, mon révérend père. Serait-il point janséniste ?»« Je puis assurer à votre révérence qu'à peine est-il chrétien. Il y a environ 11 mois que nous l'avons baptisé. » Voilà qui est bien, voilà qui est bien. Nous aurons soin de lui. Votre bénéfice est-il considérable? Oh, fort peu de choses. Et mon neveu nous coûte beaucoup. Y a-t-il quelques jansénistes dans le voisinage? Prenez bien garde, mon cher monsieur le prieur. Ils sont plus dangereux que les huguenots et les athées. Mon révérend père, nous n'en avons point. On ne sait ce que c'est que le jansénisme à Notre-Dame de la Montagne. Tant mieux. Allez, il n'y a rien que je ne fasse pour vous. Il congédia affectueusement le prieur et n'y pensa plus. Le temps s'écoulait. Le prieur et la bonne sœur se désespéraient. Cependant, le maudit bailli, pressait le mariage de son grand bonnet de fils avec la belle Saint-Yve qu'on avait fait sortir exprès du couvent. Elle aimait toujours son cher filleul autant qu'elle détestait le mari qu'on lui présentait. L'affront d'avoir été mise dans un couvent augmentait sa passion. L'ordre d'épouser le fils du bailli y mettait le comble. Les regrets, la tendresse et l'horreur bouleversaient son âme. L'amour, comme on sait, est bien plus ingénieux et plus hardi dans une jeune fille que l'amitié ne l'est dans un vieux prieur et dans une tante de 45 ans passés. De plus, elle s'était bien formée dans son couvent par les romans qu'elle avait lus à la dérobée. La belle Saint-Yve se souvenait de la lettre qu'un garde du corps avait écrite en Basse-Bretagne et dont on avait parlé dans la province. Elle résolut d'aller elle-même prendre des informations à Versailles, de se jeter aux pieds des ministres si son mari était en prison, comme on le disait, et d'obtenir justice pour lui. Je ne sais quoi l'avertissait secrètement qu'à la cour, on ne refuse rien à une jolie fille. Mais elle ne savait pas ce qu'il en coûtait. Sa résolution prise, elle est consolée, elle est tranquille. Elle ne rebute plus son sot prétendu. Elle accueille le détestable beau-père, caresse son frère, répand l'allégresse dans la maison. Puis, le jour destiné à la cérémonie, elle part secrètement à 4 heures du matin avec ses petits présents de noces et tout ce qu'elle a pu rassembler. Ces mesures étaient si bien prises qu'elle était déjà à plus de 10 lieues lorsqu'on entra dans sa chambre vers le midi. La surprise et la consternation furent grandes. L'interrogant bailli fit ce jour-là plus de questions qu'il n'en avait faites dans toute la semaine. Le mari resta plus sot qu'il ne l'avait jamais été. L'abbé de Saint-Yves, en colère, prit le parti de courir après sa sœur. Le bailli et son fils voulurent l'accompagner. Ainsi, la destinée conduisait à Paris presque tout ce canton de la Basse-Bretagne. La belle Saint-Yves se doutait bien qu'on la suivrait. Elle était à cheval. Elle s'informait adroitement des courriers s'ils n'avaient point rencontré un gros abbé, un énorme bailli et un jeune benêt qui courait sur le chemin de Paris. Ayant appris au 3e jour qu'il n'était pas loin, elle prit une route différente et eut assez d'habileté et de bonheur pour arriver à Versailles tandis qu'on la cherchait inutilement dans Paris. Mais comment se conduire à Versailles? Jeune, belle, sans conseil, sans appui, inconnue, exposée à tout, comment oser chercher un garde du roi? Elle imagina de s'adresser à un jésuite de bas étage. Il y en avait pour toutes les conditions de la vie, comme Dieu, disait-il, a donné différentes nourritures aux diverses espèces d'animaux. Il avait donné au roi son confesseur, que tous les solliciteurs de bénéfices appelaient le chef de l'église gallicane. Ensuite venaient les confesseurs des princesses. Les ministres n'en avaient point, ils n'étaient pas si sots. Il y avait les jésuites du grand commun, et surtout les jésuites des femmes de chambre par lesquelles on savait les secrets des maîtresses. Et ce n'était pas un petit emploi. La belle Saint-Yves s'adressa à un de ces derniers qui s'appelait le père tout à tous. Elle se confessa à lui, lui exposa ses aventures, son état, son danger, et le conjura de la loger chez quelques bonnes dévotes qui la mit à l'abri des tentations. Le père, tout à tous, l'introduisit chez la femme d'un officier du Gobelet, l'une de ses plus affidées pénitentes. Dès qu'elle y fut, elle s'empressa de gagner la confiance et l'amitié de cette femme. Elle s'informa du garde breton et le fit prier de venir chez elle. Ayant su de lui que son amant avait été enlevé après avoir parlé à un premier commis, elle court chez ce commis. La vue d'une belle femme l'adoucit, car il faut convenir que Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Le plumitif attendri lui avoua tout. « Votre amant est à la Bastille depuis près d'un an, et sans vous, il y serait peut-être toute sa vie. » La tendre Saint-Yves s'évanouit. Quand elle eut repris ses sens, le plumitif lui dit « Je suis sans crédit pour faire du bien. Tout mon pouvoir se borne à faire du mal quelquefois. Croyez-moi, allez chez Monsieur de Saint-Poange, qui fait le bien et le mal, cousin et favori de Monseigneur de Louvois. Ce ministre a 2 âmes. Monsieur de Saint-Poange en est une, Madame du Bélois l'autre. mais elle n'est pas à présent à Versailles. Il ne vous reste que de fléchir le protecteur que je vous indique. » La belle Saint-Yves, partagée entre un peu de joie et d'extrême douleur, entre quelque espérance et de triste crainte, poursuivie par son frère, adorant son amant, essuyant ses larmes et en versant encore, tremblante, affaiblie et reprenant courage, courut vite chez Monsieur de Saint-Pouange.